Les jours succédèrent aux jours, les semaines aux semaines, sans que je puisse apercevoir mon petit moineau défait, ni à la bibliothèque, que je fréquentais mi-temps désormais, ni ailleurs. En dehors de Madame Maréchal, venue m'apporter une portion de lasagne, au lendemain d'un match de foot, la seule personne qui me rendit visite fut ma sœur Colette, un dimanche après-midi. Elle ne venait jamais moins de 3 fois par an, histoire de vérifier si la nouvelle vie de son petit frère correspondait à ses attentes. Elle ne faisait jamais aucun commentaire, ni en bien ni en mal, mais semblait satisfaite après avoir discrètement établi l'inventaire des meubles, le nombre de fourchettes et la brillance de la salle de bain. La propreté du cadre faisait partie de ses valeurs morales et le nombre de fourchettes indiquait la hauteur de sa place économique dans la société, son signe intérieur de richesse. Car Colette était une femme d'intérieur, au sens large du terme. Elle avait travaillé toute sa vie comme femme de ménage, chez les autres, dans d'autres intérieurs, élevé 6 enfants et chouchouté un mari sédentaire qui ne bougeait guère de son fauteuil. En comparaison, Zizou et moi, à l'époque pas toujours belle de Paname, étions des hommes d'extérieur puisque nous passions les jours et les nuits sous le ciel. Et nos valeurs morales ressemblaient beaucoup à celles de Colette car nous avions une certaine hygiène. Zizou se lavait les mains 2 fois par semaine, moi je frottais toujours une pomme sur ma manche avant de la croquer. Nous avions aussi nos signes intérieurs de richesse. Mon pote trimballait toujours dans ses poches un ouvre-boîte et un tire-bouchon, tandis que je ne sortais jamais sans un briquet et des feuilles à rouler. D'habitude, la frangine ne me posait jamais de questions sur ma vie sentimentale, par pudeur ou indifférence, et cela me convenait plutôt bien. Pourtant, ce dimanche-là, elle s'étonna de constater que je n'étais toujours pas en couple, maintenant que j'avais une vie rangée, dans une petite ville agréable, sans m'expliquer le lien qui pouvait exister entre les deux situations. Le sujet des gosses ne fut pas abordé. J'avais plus l'âge ni la santé. Bah non, faut pas trop en vouloir. Je lui ai parlé de mon petit moineau défait, de notre belle rencontre à la bibliothèque, de ses grands yeux dans un beau visage, le repas en tête à tête à la maison. Mais il ne s'était encore rien passé entre nous. C'est trop tôt, tu comprends. Un petit moineau, ça s'apprivoise. J'aurais pu parler longtemps de cette histoire d'amour qui n'avait pas encore de forme, car en parler, même avec Colette, c'était justement lui donner forme, espérer des encouragements, va savoir. Mais la frangine, en bonne femme d'intérieur qu'elle est, me déclara simplement « L'amour est une recette de cuisine compliquée ». Puis elle m'a demandé son nom, et quand j'ai dit Roberts, tout de suite, j'ai vu le quiproquo pointer le bout de son pif. Fichtre, c'était pas le moment de rajouter du poivre à la recette de cuisine. J'ai rectifié le tir. C'est son nom de famille, que j'ai dit Roberts avec TS à la fin. Son prénom, je ne le connais pas. Elle trouvait étrange de ne pas connaître le prénom de sa future épouse. Mais je lui rétorquais que nous faisions les choses lentement. Nous sommes allés déjeuner dans une crêperie. Après, je l'ai raccompagnée à la gare et sur le quai, au moment de se cloquer la bise, elle a dit « C'est plus de la lenteur, c'est de la paresse ». Cette réflexion à retardement de la frangine, qui sonnait comme un verdict, m'a terrifié, parce que je savais bien, moi, d'où elle venait, la paresse. Avant de rentrer à la maison, je suis allé boire un verre au café de la place Saint-Sauveur, le café qui nous avait accueillis, Madame Roberts et moi, quelques jours auparavant. Une façon de garder le contact, de rassembler tous les ingrédients de la recette. La bière était fade. Momo venait d'installer sa boutique sur le parvis de la cathédrale. Je suis allé lui dire bonjour et faire tomber une petite pièce, en souvenir. Puis je suis rentré à la maison, assez joyeux finalement. La journée finissait en beauté. Colette était toujours Colette, immuable dans ses certitudes. Momo récolterait plein de petites pièces à la sortie de la messe du soir. Quand je croisais Madame Bron dans le hall de l'immeuble, je fus courtois avec elle, tout en restant sur mes gardes, parce qu'il faut être prudent avec les contrefaçons. J'entrai chez moi et me dirigeai droit sur le gros cendrier en verre pour y récupérer le billet de 50 € que ne manquait pas de laisser Colette à chacun de ses passages. Une façon, peut-être, d'affirmer son statut de grande sœur ou bien d'éloigner le spectre de la pauvreté. Elle n'était pas totalement libérée de ses craintes, la frangine, crainte d'un retour à la rue, crainte d'une rechute fatale, les os rompus par la dureté du bitume. Elle n'avait toujours pas compris que ma décision d'échanger une vie douillette contre le froid et l'incertitude du pavé n'avait aucun rapport avec l'argent. Mais l'explication s'avérait inaudible, parce que pour elle, rien n'était au-dessus de la propreté du ménage et du nombre de fourchettes. « On ne change pas la rayure du zèbre », affirmait Zizou à propos de Nordine, qui s'obstinait à l'appeler Zizi. Le temps était au beau fixe. Je fréquentais toujours la bibliothèque municipale, mais seulement le matin. Entre Madame Fargeau et moi, c'était devenu l'entente cordiale et elle me laissait repartir avec plus de livres que ne l'autorisait le règlement. L'après-midi, je flânais par les rues, ou bien en bord de ranse, déguisé en touriste. Un soir, M. Maréchal vint frapper à ma porte pour me demander s'il me restait quelques bières. Ses amis et lui assistaient au dernier match de la saison à bord de l'île qui allait faire des étincelles, et il manquait de carburant. C'est le lendemain, à la même heure, qu'un petit bruit sec, comme un coup de bec d'oiseau, me tira de ma rêverie. Ô miracle ! Mon petit moineau défait apparut dans l'embrasure de la porte, bel à croquer dans sa robe de jean et sa casquette à large visière. Son éternel sac de toile pendait à l'épaule. Ah, j'aurais donné n'importe quoi pour me pendre à son cou. Je la fis entrer. J'ai un souvenir très net de cette soirée improvisée, car elle s'inscrivit dans les rares périodes de sérénité. Je veux dire qu'après, entre Madame Roberts et moi, tout est devenu incontrôlable, absurde, presque irréel, et surtout imprévisible. Elle était venue me rapporter les livres que je lui avais prêtés. C'était sympa. Dans un premier temps, elle pensait me les rendre à la bibliothèque, mais Madame Fargeau lui avait dit que je ne venais plus que le matin. « Et je ne suis pas du matin, » ajouta-t-elle. « Oui, elle aurait dû téléphoner, avant de venir, mais hélas, elle n'avait toujours pas récupéré son abonnement. C'était une question de jours. » Je l'ai invitée à partager mon repas. Elle a décliné l'offre. Elle n'était pas venue pour ça. J'insistais, dit qu'il fallait faire honneur à la moitié de pizza que m'avait apportée Madame Maréchal ce matin. Une demi-pizza dont l'autre moitié avait épongé la bière de M. Maréchal pendant le match du bord de l'île. Une affiche pleine d'étincelles. Elle a cédé. Nous avons parlé de Virginie Despentes, dont le titre du roman m'avait interloqué, elle s'en souvenait. Nous avons un peu critiqué Madame Fargeau, moqué Madame Bron, puis plus tard. Il y a eu un long silence entre nous. Je suis parti en cuisine pour faire du café. À mon retour, j'ai vu qu'elle fouillait dans son sac de façon fébrile. Après le café, la conversation n'arrivait plus à redémarrer, comme si un verrou bloquait les bouches. La gêne plombait l'ambiance. Il était à peine minuit. Elle s'est levée, lentement, a remis son sac à l'épaule en disant qu'il était temps de rentrer, qu'avec son traitement, elle ne pouvait plus veiller très tard. Je ne lui ai pas fait la bise, c'était encore trop intime. Mais je ne lui ai pas serré la main non plus. Ça ne l'était pas assez. Aujourd'hui, avec le recul, je revois la soirée dans ses moindres détails. Sur l'instant, rien ne m'avait paru étrange, bien au contraire. Je baignais dans un merveilleux indicible. Les mots qu'elle avait dit étaient des poèmes. Le petit air fredonné, un opéra. Et le paysage informe, pétri dans la mie de pain, une statue de Michel-Ange. Parce que les faits et gestes de la passion amoureuse, quand on les vit, sont toujours délectables. Si on les regarde dans le rétro, ils deviennent vite détestables. L'opéra se transforme en goualante et la statue de Michel-Ange en gnome sans bras ni jambes. Et on se demande qui nous a joué ce vilain tour de passe-passe. En réalité, Madame Roberts s'était montrée beaucoup moins gaie que la première fois, moins spirituelle aussi, et elle n'avait presque rien bu ni mangé. Je ne savais toujours pas où la joindre, pas d'adresse, pas de numéro de téléphone, et je n'espérais guère la revoir à la bibliothèque municipale que les beaux jours rendaient moins attractive. Peu de temps après, une grosse chaleur nous arriva du Maghreb, un cagna de 30 degrés à l'ombre, qui repoussa les habitants de notre petite ville, peu habitués à ces températures, vers les rivages plus tempérés de la Rance. Comme tout le monde, j'y passais une grande partie de mes journées, seul, à l'ombre d'un vieux saule, dont certaines branches piquaient de la feuille dans l'eau, et auquel j'accrochais avec une ficelle la bouteille de rosée qui accompagnait mon repas de plein air. J'apportais toujours un livre avec moi, de préférence un roman facile à lire, sans réflexion, car mon esprit était entièrement occupé par Madame Roberts, une Madame Roberts triste, barricadée, en recherche d'absolu, et dont je n'arrivais pas à franchir les défenses. Elle semblait s'éloigner de moi un peu plus chaque jour, de façon inéluctable, et je me sentais comme un marcheur du désert en quête d'oasis qui aperçoit d'abord une belle étendue d'eau bordée de palmiers géants, puis une ridicule mare aux canards, puis plus rien. Une fois la canicule repartie au Maghreb, je repris le cours normal de mon existence, celui d'un promeneur solitaire sans réelle curiosité. J'arpentais les rues de la ville, par obligation ou devoir, la tête pleine du chant d'un petit moineau défait, un chant mélancolique, anxieux, comme un appel au secours qui faisait un tintamarre de tous les diables. À la bibliothèque municipale, Madame Fargeau, en congé annuel, avait été remplacée par un vieil homme bourru, et parfois un peu bourré, qui se mélangeait les pinceaux et vous réclamait un Stendhal quand vous aviez emprunté un queneau. Les salles étaient presque vides, l'ambiance comateuse, et les gosses du mercredi avaient définitivement abandonné les lieux pour d'autres horizons. Le même phénomène se produisait dans mon immeuble, situé un peu à l'écart du centre-ville. On y entendait moins de bruit. On y voyait moins d'allées et venues. Madame Bron s'accordait en toute légalité les vacances annuelles d'un poste illégal. Et M. Maréchal ne sonnait plus à ma porte car les footballeurs, eux aussi, avaient pris leur distance. À Paris, j'avais observé un changement quand nous passions de la période hivernale à la période estivale. L'hiver, les donateurs étaient plus généreux, sans doute apitoyés par nos jouets et nos mains bleuies de froid, mais peu nombreux, cause qu'on n'a pas trop de temps à perdre quand la bise est venue. L'été, nos mines épanouies, un peu hâlées par le soleil de juin, attiraient moins les petites pièces, mais les passants, plus nombreux, s'abandonnaient à la flânerie, alors la balance commerciale se rétablissait d'elle-même. Avec celui de policier, l'état de Clodo est certainement celui qui souffre le moins des fluctuations saisonnières. N'empêche que très souvent, je rêvais d'être polynésien, touareg ou esquimau. Enfin, de ces machins tout d'une pièce, dans la chaleur comme dans le froid, sans surprise. J'ai beaucoup rêvé toute ma vie, et c'est en plein rêve que je me suis aventuré un soir à la fraîche, dans la rue de la Soif, ainsi nommée depuis toujours par les amateurs de liquide, pour le nombre impressionnant de bistrots qui l'abordent des deux côtés. Je ne saurais dire ce qui m'attira dans la rue, précisément ce soir-là. D'instinct, j'avais toujours évité le coin, sans doute un peu méfiant à l'égard d'une rue baptisée ainsi, mais plus certainement plein de doutes quant à ma capacité de résistance face aux sirènes du Malte.